une Palestine soviétique. De nombreux juifs vivant en URSS en ont rêvé. Une première fois dans les années 20, lorsque Moscou a créé une région autonome juive dans le lointain Birobidjan, à la frontière chinoise. Il s'agissait clairement de juguler l'influence du mouvement sioniste très populaire chez les juifs soviétiques. Mais seules quelques centaines de familles ont accepté d'aller coloniser ce territoire si peu hospitalier et le gouvernement a essuyé un échec. Une deuxième fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a évoqué jusque dans les plus hautes instances du Parti communiste à Moscou la création d'une république juive en Crimée. À l'origine de cette idée, un homme, un des plus grands acteurs du pays, Solomon Mikols, président du comité antifasciste juif, une organisation secrètement pilotée par Beria. C'est à la fin 1943, revenant d'un triomphal voyage aux États-Unis en Grande-Bretagne, que l'artiste informe Staline de son idée. Une idée spectaculaire, reprise au bon par de nombreux intellectuels juifs et qui suscite l'enthousiasme d'une importante organisation philanthropique juive américaine, le Joint Distribution Committee. En février 1944, des populations tatares installées en Crimée sont déplacées. Le Kremlin s'est-il décidé à donner cette république aux Juifs? En réalité, tout disait M. X la semaine passée, Staline n'a jamais pensé sérieusement à cette affaire, mais il s'en est servi pour appâter les États-Unis, obtenir la promesse de prêts à long terme, s'attirer la sympathie des Juifs américains et en prime, diviser le mouvement sioniste. Mikols, sans doute un peu trop naïf, est tombé dans un piège mortel. Et dès que le rideau de fer tombera aux frontières de l'Europe de l'Est, le stalinisme renouera avec ses poisons d'avant-guerre, la recherche des complots, les purges et un antisémitisme aussi sournois que réel. Cela finira en janvier 1953, deux mois avant la mort de Staline, par l'incroyable affaire des blouses blanches. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. À Moscou, on parle de cette fantomatique république de Crimée jusqu'en 1945. C'est parce que Staline a encore besoin de l'Occident. Oui, de son aide matérielle, surtout. Pas seulement. 1945, c'est l'année de Yalta, l'année du grand partage du monde, même si ce partage a déjà été esquissé bien avant. En tout cas, dans cette négociation capitale, Staline doit séduire ses partenaires anglo-saxons. Et ce projet d'une république juive en Crimée est un atout de poids. Oui, parce qu'il a déjà les faveurs des juifs américains. Et il ne peut pas déplaire aux Britanniques. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent par-dessus tout la création d'un État juif en Palestine. Ça signifierait leur départ. Exactement. De Palestine, ouais. Par conséquent, ils voient d'un très bon œil la création d'un foyer juif en URSS. C'est un foyer qui attirerait les juifs du monde entier. Et qui affaiblirait donc le mouvement sioniste en Palestine. Mais dès que la conférence de Yalta est terminée et que Staline a obtenu ce qu'il désirait, il n'est plus question de république juive en Crimée. Et le sujet devient tabou. Oui, mais est-ce que Mikols et son comité antifasciste juif renoncent, eux ? Ils ne peuvent pas faire autrement. Et fidèles à leur idée de créer une Palestine soviétique, ils se rabattent sur le Birobidjan, qui était toujours une région autonome juive. Ah bon ? Ça arrange Moscou, parce que le retour des juifs en Ukraine après la guerre n'est pas sans poser quelques difficultés dans une république où l'antisémitisme demeure vivace. Malgré la révélation du génocide juif. Malheureusement, oui. Et je ne sais plus où j'ai lu une phrase terrible de Khrouchtchev, qui était alors le secrétaire du Parti communiste ukrainien. Il se plaint de tous ces juifs qui s'abattent sur l'Ukraine comme des vols de corneilles. C'est en effet très éloquent, ça. Alors, on veut envoyer ces jeuneurs au Birobidjan, c'est oui, ça, non ? Des milliers d'entre eux partent. Mais depuis les années 30, rien n'a changé là-bas. Les conditions de vie sont toujours aussi difficiles et c'est un nouvel échec. Ouais, un échec prévisible, certainement. Ouais. Et déjà, les jours du comité antifasciste sont comptés. Et pourquoi ? À cause de cet échec là, non, parce que le climat a changé en URSS. Zhdanov, ça vous dit quelque chose ? Zhdanov, c'était un dirigeant soviétique. Ouais. Et Staline a chargé ce membre éminent du Politburo de remettre de l'ordre chez les intellectuels. Vous voulez parler de reprise en main ? C'est ça. À la faveur de la guerre, le Kremlin a noté certains relâchements. Des artistes, des écrivains ont pris quelques libertés. Pire, ils ont noué des relations avec leurs homologues des pays alliés. On peut craindre qu'ils soient influencés par ces représentants de la société capitaliste. La société décadente. Forcément. Zhdanov reçoit donc l'ordre de veiller à la pureté idéologique et d'opérer un repli sur les valeurs traditionnelles du peuple russe. L'exaltation du nationalisme russe. Oui, on doit extirper de la culture tout ce qui est occidental ou étranger. À l'époque, on dit cosmopolite. Cet effort de purification culturelle s'accompagne d'une campagne contre les nationalismes, à l'exception du nationalisme grand russe, évidemment. Des peuples entiers sont déportés en Asie centrale ou en Sibérie sous le prétexte qu'ils ont collaboré avec les Allemands. Aujourd'hui, on appellerait ça purification ethnique. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais les juifs soviétiques sont-ils concernés par cette campagne ? Au premier chef, l'adjectif cosmopolite semble avoir été créé pour eux. On parlera même en URSS de cosmopolites dépourvus de racines. Les juifs, quoi. Ça veut dire que ces sans-racines ne peuvent par nature se comporter loyalement, vis-à-vis de l'Union soviétique, bien sûr. Et insidieusement, on commence à reprocher au comité antifasciste juif son sionisme petit bourgeois. On met aussi en cause son judéo-centrisme. Judéo-centrisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mikols et ses amis sont accusés dans leurs écrits ou leurs actes de toujours mettre en valeur l'action des juifs. Ça ne plaît pas. Dans le même temps, on procède à une véritable purge dans le personnel diplomatique soviétique où il y aurait de trop nombreux juifs. C'est donc la reprise de la politique antisémite de l'avant-guerre. Oui. Pour tous les gens qui connaissent bien Staline, il est clair que le maître du Kremlin s'est choisi de nouveaux boucs émissaires. Avant-guerre, c'était les trotskistes. Aujourd'hui, ce sont les juifs. Et c'est d'autant plus surprenant qu'en agissant ainsi, Staline est obligé de faire le grand écart. Le grand écart, ça signifie quoi ? Je veux parler de la politique de Moscou sur la question palestinienne. Mais Moscou qui a toujours été anti-sioniste. C'est exact. Alors permettez-moi de faire une petite digression et nous reviendrons à la situation des juifs en Union soviétique. Oui, d'accord. Dès 1946, la guerre froide commence. Les alliés d'hier sont devenus des adversaires. Et tout est bon pour les combattre ou les diviser. Or, la question palestinienne se prête parfaitement à cet exercice de style. La division, ça, vous voulez dire quoi ? Oui, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont en compétition au Proche-Orient. Pourquoi le pétrole ? Bien évidemment, les Américains voudront en finir avec la chasse gardée des Britanniques dans la région. Ouais, ils vont mettre le pied là-bas, c'est ça ? D'autant que l'Empire britannique vacille. La Grande-Bretagne sort de la guerre très affaiblie. Et les États-Unis comptent en profiter. Leur proposition d'autoriser 100 000 juifs à entrer en Palestine n'est pas tout à fait innocente. Elle cherche à embarrasser la Grande-Bretagne, mandataire de la région et farouchement hostile à de nouvelles immigrations de juifs. Mais nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Ah oui, c'est tout à fait exact. Mais Mais revenons quand même à la position de l'URSS. Là. Staline va essayer d'exploiter cette rivalité entre les Américains et les Britanniques. Bien entendu, d'autant qu'il a été mis à l'écart. Malgré leurs divergences, Washington et Londres ont soigneusement veillé à ce que les Soviétiques ne soient pas mêlés à l'affaire. Et pour éviter que la question ne soit pas discutée à l'ONU, où Moscou aurait forcément son mot à dire. Mm-hmm. Alors Staline va essayer de s'imposer malgré tout. Oui, d'une façon très cynique. Hein. Il va se servir des rescapés des camps de la mort pour enfoncer un coin entre ses deux anciens alliés. Mm. Mais comment ? Mais les Soviétiques ont d'abord facilité, sinon encouragé, le départ des Juifs de l'Europe de l'Est qui se trouvaient dans les territoires qu'ils contrôlaient, vers les camps de personnes déplacées installées à l'Ouest, essentiellement en Allemagne et en Autriche. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fait le voyage. Quel était l'objectif ? Plus il y avait de Juifs dans ces camps, et plus augmentait l'urgence de trouver une solution décente pour leur installation définitive. En Palestine ? En Palestine, oui, où la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, s'arc-boutait et réprimait les activités sionistes. Cette politique de Staline visait donc à gêner les Britanniques. Alors même que Moscou feignait d'être toujours hostile à l'émigration des Juifs, et d'abord pour ne pas fâcher les Arabes. Vous avez dit, Moscou feignait. En réalité, depuis déjà longtemps, les Soviétiques avaient noué des contacts avec les dirigeants sionistes de l'étranger. Et ils les soutenaient secrètement. Alors ça signifie que Staline luttait contre le sionisme à l'intérieur des frontières de l'URSS, mais le soutenait à l'extérieur. Ben oui, c'est ce que j'appelle faire le grand écart. Enfin, il faut souligner encore une fois que, de la part de Staline, il ne s'agissait que d'un calcul. Le dictateur se moquait bien du sort des Juifs. Mais en soutenant d'abord secrètement, puis ouvertement le sionisme, il affaiblissait la Grande-Bretagne et il tentait, lui aussi, de prendre position au Proche-Orient. À partir de quand, là, ce soutien au sionisme va-t-il devenir public ? En 1947. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la diplomatie secrète du Kremlin, ça va être un vrai coup de tonnerre. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Pavel Soudoplatov fut un maître espion du NKVD puis du KGB. Cet adjoint de Beria en particulier organisait l'assassinat de Trotsky. En 1994, il a publié un livre de mémoire, Mission spéciale. Il y révèle que dès 1946, le Kremlin lui a demandé d'envoyer des agents en Palestine. Je le cite. Il devait organiser un réseau clandestin qui pourrait participer à la lutte et à la campagne de sabotage contre les Britanniques. Je désignais trois officiers, Yossif Garbouz, Alexandre Semyonov, de son vrai nom Taubman, il était l'assistant de Grigulevich dans le mouvement clandestin lituanien, il avait participé à la liquidation de Rudolf Clément à Paris en 1938, et Julius Kolesnikov. Semyonov et Kolesnikov s'installèrent à Haïfa et mirent sur pied deux réseaux. Mais ils ne participèrent nullement de façon active aux opérations de sabotage contre les Anglais. Kolesnikov s'occupait d'acheminer vers la Palestine des armes légères et des grenades anti-chars saisies dans les arsenaux allemands en Roumanie. Semyonov tenta de reprendre contact avec un agent introduit en 1937 dans le groupe Stern, l'organisation terroriste anti-britannique. Garbouz resta en Roumanie où il s'employait à rassembler des candidats désireux de s'installer dans le futur État d'Israël. Quand l'ordre arriva d'implanter des agents en Palestine et de fournir des munitions aux organisations juives de la résistance armée, il devint clair à mes yeux que le véritable objectif était de créer notre propre réseau au sein de l'organisation politique et militaire sioniste, tout en feignant d'aider les juifs. Le livre de Soudoplatov, Mission spéciale, a été publié au Seuil. Le changement officiel de cap de l'URSS au sujet de la Palestine est révélé devant l'Assemblée générale de l'ONU par le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, en mai 1947 précisément. Et que dit-il exactement ? D'abord, il brise un tabou. Pour la première fois, un dirigeant de Moscou établit un lien entre les souffrances du peuple juif et la légitime aspiration des sionistes. Ensuite, il affirme qu'en Palestine, il n'y a que deux solutions. Ou bien la création d'un État judéo-arabe, ou bien, si les deux peuples ne parvenaient pas à s'entendre, la création de deux États distincts. Il marque une préférence ? Non, mais l'une ou l'autre solution signifie le départ des Britanniques de la Palestine. Et c'est l'objectif prioritaire des Soviétiques. Comment est accueilli ce discours par les Juifs ? Les sionistes sont ravis. Ils auraient presque pu prononcer eux-mêmes ce discours sans y changer une virgule. Ce qui leur va surtout droit au cœur, c'est que Gromyko a prononcé l'expression « peuple juif ». Et alors, en URSS, que pensent les Juifs alors ? Attendez, on va y venir. Mais si vous voulez, finissons-en avec cette question. Dans les semaines, dans les mois qui suivent, la lune de miel se poursuit entre Moscou et l'agence juive. Mais en dehors du fait que Staline, en adoptant cette position, compte affaiblir la Grande-Bretagne, est-ce qu'il imagine que le nouvel État juif pourrait un jour rejoindre le camp des démocraties populaires ? Sérieusement, non. Pourtant, les kibbutz étaient des sortes de kolkhozes. Vous avez raison. Idéologiquement, il y avait des points communs. Et beaucoup de sionistes venaient de la gauche et du socialisme. Mais Staline ne pouvait ignorer les liens très forts des juifs de Palestine avec la communauté juive américaine. Non, il pouvait espérer au mieux que le nouvel État se rangerait dans le camp des non-alignés. Oui, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest. C'est ça. En outre, ça ne vous étonnera pas, les services secrets soviétiques ne sont pas restés inertes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont infiltré les organisations sionistes ? Naturellement. Et en les aidant au besoin. Il semble, mais là, j'ai pas de preuves formelles, que des agents soviétiques aient été mêlés à l'assassinat du comte Bernadotte. Oui, Bernadotte, c'était le médiateur suédois nommé par l'ONU. Oui, Bernadotte proposait un plan de partage de la Palestine qui était violemment combattu par les sionistes. Il fallait le faire disparaître. Mais on a dit que c'était un groupe extrémiste qui l'avait assassiné. C'est juste, le groupe Stern. Mais il est tout à fait possible que les soviétiques lui aient donné un petit coup de main. En tout cas, le Kremlin va jouer un grand rôle dans le processus qui va aboutir à la création d'Israël en mai 1948. Il faut rappeler que Moscou sera la première capitale à reconnaître officiellement l'État hébreu. Avant même Washington. Oui, et cette reconnaissance diplomatique va s'accompagner d'une aide totale et assez surprenante. Moscou colle étroitement à la politique du gouvernement Ben-Gourion. Par exemple, sur la douloureuse question des réfugiés arabes dont nous avons parlé récemment. Le Kremlin épouse la thèse sioniste selon laquelle ce sont les dirigeants arabes qui ont appelé les Palestiniens à fuir leur maison et leur village. Et ils refusent même tout débat à l'ONU sur cette question. Et aussi l'aide militaire. Et ce n'est pas le moins important. Staline a très certainement permis la victoire des Juifs sur la coalition arabe. Grâce à des fournitures d'armes. Oui, des fournitures massives, alors même que Washington, par exemple, avait imposé un sévère embargo sur les ventes d'armes à destination de la Palestine. Oui, alors les sionistes se sont donc adressés à Moscou ? Oui, et Staline a fait pression sur les Tchèques pour qu'ils livrent des armes aux organisations sionistes, puis à l'État d'Israël. Des tanks, de l'armement lourd et des avions. Des pilotes israéliens ont même été formés en Tchécoslovaquie. Cette coopération militaire se poursuivra très tard, jusqu'au début des années 50. C'est d'autant plus étonnant qu'à cette date, les rapports entre l'URSS et Israël se seront alors notoirement dégradés. Quelle raison ? Elles sont multiples. La première est évidente. Le social-démocrate Ben-Gourion nourrissait une profonde aversion pour le communisme. Et bien vite, contrairement aux vœux de Staline, il a mis cap à l'Ouest et s'est rapproché des États-Unis. Il a pu ainsi bénéficier d'un prêt de plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui a fâché le maître du Kremlin. Ah oui, autre raison ? La plus importante, celle de la situation des Juifs en URSS. Prudemment, tant que Moscou aidait le jeune État à remporter la guerre contre les Arabes, les dirigeants sionistes avaient mis cette question entre parenthèses. Mais à partir de 1949, alors que les menaces s'estompent, Tel Aviv fin de s'étonner pourquoi Staline, qui a encouragé l'immigration des Juifs d'Europe vers la Palestine, refuse-t-il le départ des Juifs soviétiques ? Mais il y a plus grave. Plus grave. C'est le réveil de l'antisémitisme en URSS et dans les nouvelles démocraties populaires. Un antisémitisme qui était, je vous l'ai dit, téléguidé par le Kremlin. Ça ne pouvait pas passer inaperçu en Israël. Mais tant que les sionistes avaient besoin de Moscou, ils avaient fermé les yeux. Pourtant, dès janvier 1948, 5 mois donc avant la création d'Israël, Staline se dévoile en faisant assassiner Solomon Mikols. Le président du comité antifasciste juif. Et le promoteur de l'idée d'une république juive en Crimée. Ouais, donc un assassinat particulièrement symbolique. Oui, ouais, avec cette liquidation, on enterre définitivement cette vieille lune. Mais Staline poursuivait aussi un autre objectif. Attendez, avant de poursuivre, là, cet assassinat, comment a-t-il été effectué ? Au ministère de la Sécurité d'État, il y avait des tueurs très efficaces. Mikols et son secrétaire ont été attirés dans une datcha. Tous deux ont reçu un coup d'aiguille empoisonné, puis on a jeté leur cadavre sous les roues d'un camion. Pour faire croire à un accident de la route ? Bien sûr. Et personne n'a mis en doute cette version ? À l'époque, en URSS, il était prudent de ne jamais mettre en cause la version du Kremlin. D'ailleurs, on a offert à Mikols des funérailles officielles et solennelles. Ouais. Vous avez dit que Staline, en faisant assassiner Mikols, puisque c'est lui, poursuivait aussi un autre objectif. Et pour bien comprendre, il fallait être un kremlinologue averti qui avait été à l'origine de la création du comité antifasciste juif, qui en avait fait un formidable outil de propagande extérieure en faveur de l'URSS, la Franti Beria. Et alors, à travers Mikols, c'est Beria qui a été visé ? C'est évident. Mais pourquoi Beria a toujours été un serviteur fidèle de Staline ? Le premier flic de l'Union soviétique, avez-vous dit ? C'est vrai. Mais Beria, après-guerre, n'était plus le patron des organismes de sécurité. Staline lui avait confié la supervision de la fabrication de la bombe atomique. Une tâche excessivement importante. Dont Beria s'acquittera d'ailleurs avec succès, puisque dès 1949, l'URSS sera en mesure de faire exploser sa première bombe. Mais Beria prendra bien soin de conserver un œil sur le ministère de la Sécurité d'État, même si peu à peu Staline éliminera les hommes qu'il y a nommés. Alors pourquoi ce désamour ? Staline, comme il avait déjà fait par le passé, avait décidé de liquider sa vieille garde. Les Vorochilov, Molotov, Mikoyan... Et donc Beria ? Oui. Pour les remplacer par les hommes plus jeunes ? Naturellement. Staline, qui n'avait pas oublié la façon dont il s'était lui-même emparé du pouvoir, craignait en permanence la montée en puissance de ses proches. Des proches qui pourraient être tentés un jour ou l'autre de l'éliminer. Donc Staline prenait les devants, si je puis dire. C'est ça. Mais on n'élimine pas si facilement un homme qui a été témoin de la plupart de vos crimes. Témoin et souvent acteur principal. Et l'assassinat de Mikols et la liquidation du comité antifasciste juif n'étaient que les premières étapes d'une lutte à mort dans les cercles du pouvoir. Une lutte où les juifs joueront leur rôle de bouc émissaire. Thank you. Terre, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Michels, président du comité antifasciste juif, a donc été assassiné en janvier 1948 et il a eu droit à des funérailles officielles. Mais deux mois seulement, Victor Abakoumov, ministre de la Sécurité d'État, envoie le rapport suivant à Staline. Il a été établi que les dirigeants du comité antifasciste juif sont des nationalistes actifs pro-américains et qu'ils mènent en fait un travail nationaliste anti-soviétique. L'ancien président du comité, Solomon Michels, était connu bien avant la guerre comme un nationaliste actif et une sorte de porte-drapeau des milieux nationalistes juifs. Dans ce même rapport destiné à Staline, Abakoumov reproche aux dirigeants du comité d'avoir établi des contacts avec les services d'espionnage américains au cours de leur tournée aux États-Unis, d'utiliser le comité comme une couverture pour leur travail anti-soviétique, de diriger des groupes nationalistes juifs en Ukraine et en Biélorussie, et enfin d'avoir tenté de transformer le comité en une sorte d'organe d'État pour les affaires juives. À noter que Abakoumov lui-même sera bientôt victime des purges staliniennes. J'ai extrait ce texte du livre de Laurent Ruquet, « Staline, Israël et les Juifs », publié cette année aux Presses universitaires de France. C'est en 1949 que sont visibles les premiers signes de la purge qui se prépare. Et bien sûr, ce sont les juifs soviétiques qui en sont les premières victimes. Qui Il y a d'abord l'arrestation de la femme d'un des dirigeants les plus importants du parti, Molotov. Parce qu'elle était juive, elle était juive. Oui, on trouve un prétexte quelconque pour l'accuser et la juger. Et elle est envoyée dans un camp. Réaction de son mari, Molotov Il courbe les chines et ne bronche pas. Il en sera de même pour le propre secrétaire de Staline. Son épouse, juive, elle aussi est arrêtée, jugée et fusillée. Mais le secrétaire continue à servir Staline comme si de rien n'était. La peur. Oui, la peur. Chacun sent qu'une purge se prépare aussi sanglante que celle de 1937. C'est-à-dire l'année de la Grande Terreur. Ensuite, on note l'arrestation de centaines d'intellectuels juifs accusés de cosmopolitisme. Parmi eux, il y a tous les dirigeants du comité antifasciste juif, bien sûr. Ils seront jugés à huis clos en 1952 et beaucoup seront immédiatement passés par les armes. Mais en même temps, Staline prépare la purge dans le parti et les organismes d'État. Et c'est à Leningrad qu'il frappe d'abord. Pourquoi Leningrad ? Staline s'est toujours méfié des dirigeants communistes de cette ville rivale de Moscou. Il les suspectait d'être un peu trop indépendants. Vrai ou faux ? Allez savoir. Je l'ai déjà dit, dans l'esprit tortueux de Staline, la hantise du complot était permanente. Alors, toujours en cette année 1949, la plupart des dirigeants du parti à Leningrad sont arrêtés dans le plus grand secret. Ils seront condamnés à mort et exécutés. D'autres militants, plus modestes, sont exclus et chassés de leur emploi. Mais à tout cela, que leur reproche-t-on exactement ? Le principal grief, aussi invraisemblable qu'il paraisse, c'est que tous ces hommes sont des espions liés à l'intelligence service. Pas moi, non. Vous savez bien que dans tous les procès staliniens, on a imposé aux accusés des aveux extravagants. Les pires crimes qui soient, ça faisait partie du système. Toutefois, dans les accusations portées contre ces communistes, quelque chose qui nous relie à notre sujet. Ouais, c'est l'antisémitisme, j'imagine. Oui, ces antipartis, comme on les appelait, auraient diffusé des textes de Trotsky, Zinoviev et Kamenev. On a tous des dirigeants éliminés physiquement par Staline. Et trois juifs, ne l'oublions pas. Et puis on a aussi ouvertement reproché à ces dirigeants communistes d'avoir favorisé la promotion des juifs au détriment des Russes. Ah ben là au moins c'est clair. Et ces accusations vont être l'amorce de ce qu'on a appelé le complot des blouses blanches. Le prétendu complot des médecins juifs. Oui, en effet. Les nouveaux dirigeants du parti à Leningrad accusent leurs prédécesseurs d'avoir placé des médecins juifs dans tous les organismes de santé. Et toujours au détriment des Russes ? Naturellement. Et dès 1950, un célèbre professeur de médecine, Yaakov Ettinger, est arrêté. Déjà, on veut lui faire avouer qu'il existe un complot de médecins juifs. Mais Ettinger l'avoue, effectivement ? Oui, sous la torture, on avoue n'importe quoi. Et Ettinger en mourra. Enfin, je vais revenir sur cette question des médecins juifs, si vous le voulez bien. Car il s'agit sans doute de l'affaire qui témoigne de la façon la plus spectaculaire de la perversité du stalinisme. Auparavant, si vous permettez, je voudrais revenir sur le complot sioniste, comme on l'appelle désormais au Kremlin. Oui, un complot alors qui vise prioritairement Beria, m'avez-vous dit. C'est ça. Beria, le protecteur des Juifs, l'inventeur du comité antifasciste juif. Après Leningrad, c'est au tour des organismes de sécurité d'être victimes des purges. Et là encore, ce sont les officiers juifs qui sont d'abord visés. Des officiers qui avaient été souvent des collaborateurs de Beria. Ça veut dire que l'étau se resserre. Oui. Dans le même temps, il faut noter que s'ouvre le monstrueux procès de Prague. Ce n'est pas innocent. car les accusés, dont beaucoup sont juifs, étaient au pouvoir lorsque la Tchécoslovaquie a armé les sionistes et Israël. Ouais, toujours le complot sioniste. Évidemment, à Prague comme à Moscou. Alors, revenons-en à l'affaire des blouses blanches. Elle commence officiellement en janvier 1953, même si je vous l'ai dit, elle avait été esquissée beaucoup plus tôt. Ce mois-là, l'agence TASS publie un communiqué qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Qu'y a-t-il dans ce fameux communiqué là ? On y annonce l'arrestation d'un groupe de médecins saboteurs, des praticiens qui ont provoqué la mort de deux dirigeants éminents du parti, Zhdanov, membre du Politburo, et Tcherbakov, secrétaire du comité central. Comment auraient-ils procédé ? Ils auraient sciemment prescrit des médicaments nocifs qui ont aggravé l'état de santé de ces deux dirigeants. Et ils avaient l'intention de récidiver en assassinant des chefs militaires soviétiques. Est-ce que tous ces médecins sont juifs ? Non, pas tous. Enfin, beaucoup d'entre eux. J'ajoute que ce sont des médecins éminents puisqu'ils soignent des dignitaires du régime. Mais est-ce qu'on souligne, enfin, en particulier dans ces communiqués, là, est-ce qu'on souligne le fait qu'il y a une majorité de juifs parmi eux? Non, non, non, on procède plus insidieusement. On les accuse d'être des agents des services d'espionnage judéo-anglo-américains. Ouais. Et on met en cause leur relation avec le comité antifasciste juif dirigé par Mikols. Après cela, il était en effet inutile de souligner leur judéité. Mais vous avez parlé de coup de tonnerre. Oui, pour les gens qui savent, la nomenclatura soviétique, c'est le signe que des événements graves se préparent. Ouais, c'est-à-dire une nouvelle grande purge. Et il se dit que c'est Beria qui est le plus menacé. Beria, dont on murmure qu'il aurait dissimulé ses origines juives. C'est vrai ça ? Totalement faux. Beria était un Géorgien comme Staline. Mais cette rumeur propagée par le ministère de la Sécurité d'État montre bien que Beria est sur la sellette et que Staline ne va pas tarder à s'en débarrasser. C'est même, à mon avis, le véritable objectif poursuivi par le dictateur qui a ordonné de monter de toutes pièces ce complot des blouses blanches. Donc pour vous, c'était pas les juifs en tant que tels qui étaient mis en cause ? Au départ, non. Même si je vous ai dit que Staline ne les aimait pas. Non, il s'est servi de cette histoire pour tenter de liquider Beria et les autres membres de la vieille garde. Pourtant, pour être tout à fait honnête, il faut dire que des historiens ont soutenu que ce prétendu complot n'était que le prélude d'une vaste campagne antisémite qui se serait terminée par la déportation de tous les juifs en Sibérie. La grande déportation ? Et vous n'y croyez pas ? Non. Non, Staline avait beau être d'un cynisme absolu, il lui était quand même impossible de mettre tout à fait ses pas dans ceux de Hitler. Mais je reviens sur le coup de tonnerre provoqué par le communiqué TASS. La révélation du fait que des médecins juifs pourraient tuer leurs patients a provoqué une véritable panique dans la population. Vous voulez dire que les soviétiques y ont cru ? Oui, le fantasme du médecin assassin est forcément inquiétant. Ouais, c'est vrai, mais puis le médecin juif, de surcroît. Il n'en fallait pas plus pour exacerber l'antisémitisme traditionnel des Russes. Oui, mais derrière ces accusations contre les médecins, y avait-il quelque chose, je sais pas, un début de preuve ? Il y avait pour seul élément de preuve, car Gélimine les avait estorqués sous la torture, une lettre de dénonciation. Une lettre, qui en était l'auteur ? Une femme, médecin elle aussi, le docteur Timashuk. Elle avait écrit à Staline en 1948 que Zhdanov aurait été mal soigné par ses médecins. En 1948, alors que l'affaire des blouses blanches éclate, vous l'avez dit, en 53. Hein. Oui, ça signifie que Staline a gardé cette lettre de dénonciation sous le coude pendant tout ce temps. Oui, en pensant s'en servir un jour. Oui, et en attendant de la rendre publique et de décorer son auteur, il a petit à petit construit sa machination visant à faire croire à l'existence d'un complot sioniste. Il faut remarquer que si la liquidation des dirigeants communistes de Leningrad a été réalisée dans le plus grand secret, de même que celle des dirigeants du comité antifasciste juif, l'affaire des blouses blanches a été rendue du public. Alors cette affaire, c'est un peu, comment dirais-je, c'est le sommet de l'iceberg. Oui, j'en suis persuadé. La suite, vous la connaissez. Oui, la mort de Staline. Oui, elle intervient très opportunément pour Beria au début du mois de mars. Et deux mois après le communiqué de TASS. Hein. On peut d'ailleurs penser que Beria, toujours lui, a tout fait pour que Staline ne se relève pas de la congestion cérébrale qui l'a frappé le 1er mars. On a aussi parlé d'assassinat. Je sais, mais non, Beria a simplement donné un petit coup de pouce au destin en s'arrangeant pour que les médecins de Staline n'arrivent pas trop tôt. Ouais. Et avec la mort de Staline, l'affaire des blouses blanches s'est éteinte d'elle-même. Bien sûr, et avec une célérité étonnante. Beria, qui est devenu le numéro un de l'Union soviétique avant d'être lui-même éliminé, fait publier un communiqué un mois seulement après la mort de Staline. On y apprend que tous les médecins impliqués sont innocents et réhabilités. Le dossier était donc réellement vide. Bien entendu. Mais bien vite, après la publication de ce communiqué inhabituel, on fera silence à Moscou sur cette embarrassante affaire. Je reviens à l'ouvrage de Jean-Jacques Marie, dont je vous ai parlé la semaine passée, « Les derniers complots de Staline », publié aux éditions Complexe. J'en extrais ce passage qui confirme, en partie, les propos de M. X. Le complot des blouses blanches n'est donc pas seulement le couronnement des campagnes terroristes engagées à dater de 1946, de la campagne anti-cosmopolite, c'est-à-dire antisémite, déclenchée en janvier 1949, et des deux grandes épurations sanglantes restées secrètes, l'affaire de Leningrad de 49-50 et la condamnation à mort des dirigeants du comité antifasciste juif exécuté en 52. Il exprime un moment décisif de la crise du stalinisme. Staline prépare la liquidation de la vieille garde stalinienne et la promotion d'une nouvelle sur le terreau sanglant d'une purge généralisée de la société. Pour mener à bien ce bouleversement violent, moins de 8 ans après la défaite d'Hitler et la révélation publique des camps de la mort, d'Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Majdanek, il reprend l'héritage antisémite du nazisme et souligne ainsi, d'une façon radicale, la parenté politique du stalinisme et du fascisme. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi, c'est désormais nouveau, ainsi que d'anciennes émissions.